Quelle tuile! 19 heures viennent de sonner dans le bureau des organisateurs désemparés. Les Lyonnais vainqueurs expliquent au président. Vous savez, nous n'étions que de passage, c'était pour s'amuser. Demain, nous ne pourrons pas rester pour la finale dans les arènes. Dommage, ça nous plaisait bien. Mais, mille excuses, ce soir même, nous remontons des trains de marchandises sur la Guillotière, près de Lyon. Le boulot, que voulez-vous? Nous sommes des conducteurs du dépôt de la Mouche. Les boules, on y joue parfois l'été, sur le sable au Gros du Roi. Un tantinet ironique, mais entrevoyant une issue favorable aux joueurs locaux, le président, d'un air faussement paternel, explique aux pseudo-finalistes qu'ils ont plongé toute la ville dans un imbroglio incroyable, mais qu'il va user de toute son autorité auprès de la mairie pour arranger les choses. La prochaine fois, contentez-vous de regarder jouer, s'il vous plaît. Déjà que vous n'êtes pas d'ici, ça nous fout la zizanie. Et puis, de quoi on a l'air, nous? Vous débarquez en touriste, et en plus, vous avez une chance à décorner les cocus. Ou alors, vous savez un peu jouer aux boules, et vous êtes franc comme des années qui reculent. Ici, on annonce la couleur d'entrée. Le folklore, on aime guère ça. Bon, pour une fois. Le règlement est formel. C'est un forfait, et l'équipe de Farigoul est automatiquement qualifiée.